Chapitre 9. Jésus monta dans la barque, refit la traversée du lac et se rendit dans sa ville. On lui amena un paralytique couché sur un lit. Quand Jésus vit la foi de ces gens, il dit au paralytique : Prends courage, mon fils, tes péchés sont pardonnés. Alors quelques maîtres de la loi se dirent en eux-mêmes : Cet homme parle contre Dieu. Jésus sut ce qu'il pensait et dit « Pourquoi avez-vous ces mauvaises pensées? Est-il plus facile de dire « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire « Lève-toi et marche » Mais je veux que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés. » Il dit alors au paralytique « Lève-toi, prends ton lit et rentre chez toi. » L'homme se leva et s'en alla chez lui. Quand la foule vit cela, elle fut remplie de crainte et loua Dieu d'avoir donné un tel pouvoir aux hommes. Jésus partit de là et vit en passant un homme appelé Matthieu, assis au bureau de paiement des impôts. « Suis-moi, lui dit-il. » L'homme se leva et le suivit. Comme Jésus prenait un repas dans la maison de Matthieu, beaucoup de collecteurs d'impôts et de gens de mauvaise réputation vinrent prendre place à table avec lui et ses disciples. Les pharisiens virent cela et dirent à ses disciples « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les collecteurs d'impôts et les gens de mauvaise réputation ?» Jésus les entendit et déclara « Les gens en bonne santé n'ont pas besoin de docteurs. Ce sont les malades qui en ont besoin. Allez apprendre ce que signifient ces mots de l'Écriture. C'est la bonté que je désire, et non des sacrifices d'animaux. Car je ne suis pas venu appeler des gens respectables, mais des gens de mauvaise réputation. » Les disciples de Jean-Baptiste s'approchèrent alors de Jésus et lui demandèrent « Pourquoi, alors que nous jeûnons souvent, nous et les pharisiens, tes disciples ne le font-ils jamais ?» Et Jésus leur répondit « Pensez-vous que les invités d'une noce peuvent être tristes pendant que l'époux est avec eux ? Bien sûr que non. Mais le temps viendra où l'époux leur sera enlevé. Alors ils jeûneront. » Personne ne répare un vieux vêtement avec un morceau d'étoffe neuve, car ce morceau arrache une partie du vêtement et la déchirure s'agrandit encore. On ne verse pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres, sinon les outres éclatent, le vin se répand et les outres sont perdues. On verse au contraire le vin nouveau dans des outres neuves, et ainsi le tout se conserve bien. Pendant que Jésus leur disait ces paroles, un chef juif arriva, se mit à genoux devant lui, et dit « Ma fille est morte il y a un instant, mais viens, pose ta main sur elle, et elle vivra. » Jésus se leva et le suivit avec ses disciples. Une femme qui souffrait de perte de sang depuis 12 ans s'approcha alors de Jésus par derrière et toucha le bord de son vêtement, car elle se disait « Si je peux seulement toucher son vêtement, je serai guérie. » Jésus se retourna, la vit, et déclara « Prends courage, ma fille, ta foi t'a guérie. » Et à ce moment même, la femme fut guérie. Jésus arriva à la maison du chef. Quand il vit les musiciens prêts pour l'enterrement et la foule qui s'agitait bruyamment, il dit « Sortez d'ici, car la fillette n'est pas morte, mais elle dort. » Ils se moquèrent de lui. Quand on eut mis la foule dehors, Jésus entra dans la chambre. Il saisit la fillette par la main, et elle se leva. La nouvelle s'en répandit dans toute cette région. Jésus partit de là, et comme il passait en un certain endroit, deux aveugles se mirent à le suivre en criant « Aie pitié de nous, fils de David !» Quand Jésus fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui, et il leur demanda « Croyez-vous que je peux faire cela ?»« Oui, maître, lui répondirent-ils. » Alors Jésus leur toucha les yeux et dit « Puisque telle est votre foi, que cela vous soit accordé. » Et leurs yeux purent voir. Jésus leur parla durement. « Écoutez bien, leur dit-il, personne ne doit le savoir. » Mais ils s'en allèrent et parlèrent de Jésus dans toute cette région. Au moment où ils s'en allaient, on amena à Jésus un homme qui ne pouvait pas parler parce qu'il avait un esprit mauvais. Dès que Jésus eut chassé cet esprit, le muet se mit à parler. Les foules étaient remplies d'étonnement et disaient « On n'a jamais rien vu de pareil en Israël. » Mais les pharisiens affirmaient « C'est le chef des esprits mauvais qui lui donne le pouvoir de chasser ces esprits. » Jésus passait par toutes les villes et tous les villages. Il enseignait dans leur synagogue, prêchait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toutes les maladies et toutes les infirmités. Il fut rempli de pitié pour les foules qu'il voyait, car ces gens étaient fatigués et découragés, comme des moutons qui n'ont pas de berger. Il dit alors à ses disciples, « Il y a une grande moisson, mais peu d'ouvriers pour la rentrée. Priez donc le propriétaire de la moisson d'envoyer plus d'ouvriers pour rentrer sa moisson. »